mes amis. Vous avez vu ça? La Laurence Aubenas? Vous avez vu sa tête à la sortie de l'avion? Elle avait la bonne âne, la greluche. 5 mois en Irak, ça n'a pas l'air si terrible que ça. Alors du coup, j'ai voulu vérifier. J'ai été la voir ce matin. Salut Florence, ça roule? Ouais, super. Contente d'être rentrée? Ouais, en même temps, un peu déçue d'être partie. Comment ça? Bah ouais, là-bas, on avait trouvé une connivence et un rythme avec les ravisseurs. Ouais, du style. Bah tiens, j'ai apporté une cassette vidéo, regarde. Tu vois, ça c'était les lundis, c'était soirée Brésil. Oh, pas mal. Ah ça c'était tous les mardis, ça les Irakiens, ils adorent le tango, ils rigolent pas avec. Ah oui ça, les coutumes c'est sacré chez les Irakiens. Les mercredis c'était spécial guinguette. Oh mais, c'est toi déguisé en Yvette Horner. T'as vu, canon la perruque. Ah les soirées cache-cache, c'était tous les jeudis à 18h. Mais pourquoi ils sont à poil les mecs pour jouer à cache-cache? Ah bah des fois on alternait avec des chabites. Ah d'accord. Me dis rien! Soirée bourrée le vendredi! Non, crêpe partie. Ah. Et puis le samedi dimanche, je fais. Je crois que j'ai compris, attends, Balboa. Oh! Sac et bébé! Voilà, alors, c'est pas facile maintenant, tu sais. Mais tu vas faire comment, en France? Faut pas te manquer? Mais j'ai pas résisté. J'ai invité tout le monde le mois d'août à la maison. Oh, mais ça va alors! Comme quoi, mon Jojo, faut pas dramatiser non plus avec ces histoires d'enlèvement. Hein. Pas la peine non plus de foutre le bordel à la République. Allez, au revoir, Zen.